けるわ。 ほら、それ おらそうだ。 Enculé, frère, je te donne pas ton oseille. Eh, dis bien non ! Foi ! Pinga ! Sácame el dinero abajo de la tierra, cojones ! ¡Dala! Habla, ¿dónde está el dinero ? ¿Dónde está el dinero ? Habla. T'es enculé, je te donne rien. ¿Dónde está ? ¿Dónde está el dinero, coño? ¡Habla! Tiene que buscarme mi negocio. Tiene que buscarme mi dinero. Tiene que buscar todas las cosas que tengo. Elle tire sur tout le monde, le regard froid, c'est ma Cataléa. Elle a le prénom d'une fleur, tout le monde la veut. Quand je la regarde dans les yeux, je vois ma Cataléa, moi. Et je sais pas pourquoi, mais je crois qu'elle viendra me chercher. Je suis dans l'appart, la gueule en sang, les bras attachés. Je repense à elle, je peux pas m'en passer. Elle dort avec un tocard, est-ce que je lui ai acheté? Oh, ma Cataléa, ma Cataléa. Elle enchaîne les meurtres, plus rien à perdre. Mais je l'aime comme elle est, c'est ma Cataléa. Son cœur est noir et je te mens pas, je me suis infiltré. Cataléa, je t'attends, tu sais que mes jours sont comptés. Je suis dans la zone, je t'entends, je te vois, t'es à mes côtés. Alors sors ma vie de là, dans la vérité. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom